Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 69e émission, nous avons l'honneur de recevoir Roger Olyndre. Monsieur Olyndre, bonjour à vous. Bonjour, bonjour à tout le monde. Roger Olyndre, vous êtes une figure incontournable du patriotisme français. Vous avez un parcours très riche, difficile à résumer en quelques mots. Vous avez été résistant durant la Seconde Guerre mondiale, puis ouvrier métallurgiste, combattant volontaire en Indochine, en Algérie, où vous avez été grièvement blessé à la tête. Vous menez ensuite une carrière d'écrivain. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, 42 au total, mais aussi une carrière de journaliste. Vous avez été grand reporter à Paris Match, spécialiste des questions de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique latine. Puis vous vous engagez en politique et notamment au Front National. Roger Olyndre, vous sortez dernièrement un livre au titre très évocateur, Réconciliation nationale, lettre ouverte aux Français musulmans chez les éditions Apopsix. Nous allons en parler tout de suite, mais laissez-moi d'abord vous informer, chers auditeurs, que je me trouve aux côtés de Xavier. Xavier, bonjour à toi. Bonjour à tous. Roger Olyndre, il y a tellement de questions que deux jeunes tels que nous auraient à vous poser. Je voudrais commencer par revenir sur votre vie passionnante, évoquer votre jeunesse, si vous le voulez bien, la résistance à 15 ans. C'était déjà pour vous une évidence de se battre pour la France ? Oui, j'ai été formé dans une pension, parce que pendant presque toute la guerre, j'ai été en pension à Rosny-sous-Bois, et le directeur de la pension, il s'appelait M. Clairbois, était un combattant de la guerre de 14, et je suis resté 4 années de guerre chez lui, dans les différentes classes. C'était un monsieur qui remplaçait pas mal de ses profs qui avaient été réquisitionnés pour le travail en Allemagne. Et entre autres, à la fin de certains cours, il jouait la Marseillaise au violon dans la classe, et il nous faisait chanter la Marseillaise pour un oui, pour un non, enfin. Souvent pour des oui. Nous étions très patriotes, et le vieux père Clairbois était, comme tous les gens à cette époque-là, pétainiste, anti-allemand et un tout petit peu gaulliste. Et est-ce que beaucoup de jeunes à cette époque prenaient ces risques d'entrer dans la résistance, ou est-ce que c'était quelque chose d'assez exceptionnel ? La pension, l'ensemble de la pension, les gosses, l'ensemble des gosses de la pension, je parle même des tout petits, il y avait un esprit pro-français et anti-allemand, parce que les Allemands occupaient notre pays. C'était pas politiquement, mais on était aussi, par exemple, on a fait une manifestation dans la cour de l'école lorsque les Anglais ont attaqué les troupes françaises en Syrie. Toutes les fenêtres qui donnaient sur la cour de récréation, toutes les fenêtres étaient décorées avec des drapeaux tricolores faits avec des caleçons, des chemises rouges, bleues, tout était bleu, blanc, rouge, toutes les fenêtres autour de la cour intérieure. Et il y avait un très, très, très grand patriotisme dans cette école, bien qu'on chantait du matin au soir, comme dans toutes les écoles de France, Maréchal, nous voilà. Et on raconte que vous avez enlevé 2 mitrailleuses aux Allemands. Oui, c'est vrai. Deux mitrailleuses jumelées, au moment où ça bardait vraiment autour de Paris. J'ai quitté la pension une nuit, puis j'ai été voir ce que je pouvais faire. Bon, ben, j'avais été du côté de la Marne, là où il y avait des communistes. Mais enfin, dès cette époque-là, j'étais anticommuniste, parce que le vieux père Clairbois était aussi anticommuniste notoire. Il y avait d'ailleurs pas mal de Français qui étaient anticommunistes, comme ils le sont aujourd'hui d'ailleurs, parce que la France a toujours été un pays de droite. On se demande pourquoi on est gouverné par ces zigotos, quoi. Et là, je ne me suis pas plus immédiatement avec les communistes que j'avais rejoints. Je ne savais pas avant de les rejoindre qu'ils étaient communistes, mais quand j'ai entendu parler de Staline, de Moscou et tout ça, je me suis vite barré, hein. Et puis je suis arrivé à Rosny, dans le centre de Rosny, et j'ai trouvé un copain de classe, hein, parce que j'avais été, à une époque, j'étais à la pension, mais j'étais en classe à l'école communale de Rosny, quelques temps pour des questions d'études, quoi. Et on est parti ensemble, et puis on a vu des colonnes et des colonnes de gens qui se dirigeaient vers la gare de triage vers Gagny, qui avait une immense gare de triage à ce moment-là, qui était bombardée d'ailleurs plusieurs fois par mois par les Alliés. Et puis, arrivé là, on s'est aperçu que tous ces bobos qui étaient là, ils venaient pas contre les Allemands, ils ont bifurqué à droite. Ils ont bifurqué à droite parce qu'il y avait des trains de bouffe. Il y avait entre autres des wagons frigos avec du beurre et tout ça. Et les mecs, ils allaient, et des cigarettes aussi, des wagons de cigarettes. Moi, j'étais pas là pour piquer des cigarettes, même au Bosch, ni du beurre. Et avec mon copain, on est parti. Et immédiatement, quand on a quitté cette zone où il y avait tout le populo qui volait le beurre, là, on est tombé sur des camions allemands qui tiraient à vue. Ils avaient des mitrailleuses montées sur plateforme, sur camion. Bon, à ce moment-là, mon copain a eu peur, il s'est barré, ce qui fait que je suis resté tout seul. Bon, et j'ai repéré des wagons qui étaient un peu à l'écart, je suis allé voir et il m'a semblé qu'il y avait de la paille dedans et il m'a semblé qu'il y avait des caisses. Bon, j'ai dit ça, c'est de l'armement, mais j'étais à 1 kilomètre des stocks de beurre et de cigarettes. Je dis, cette gare de triage était immense à l'époque. Bon, et les portes étaient fermées avec pas des fils de fer, mais des trucs d'acier assez importants. Bon, j'ai réussi à trouver une barre de fer et à faire sauter les scellés qui étaient très très importantes de la grosse ferraille. Et là, sous la paille, j'ai vu qu'il y avait de l'armement. Bon, et à ce moment-là, il y a un camion allemand qui passait sur la route à 200 mètres environ, qui a commencé à me tirer dessus. Parce que il pouvait aller droit, mais il ne pouvait pas traverser les lignes de la gare de triage, parce que les lignes étaient très très surélevées. Donc avec un char, il serait passé, mais avec un camion, c'était impossible de passer. Bon, alors j'ai fait le mort le temps qu'il se barre, et puis là, j'ai réussi à sortir deux mitrailleuses. Et comme je suis corse, clairement, ça me connaît depuis ma plus tendre enfance, j'ai sorti non seulement les deux mitrailleuses jumelées, j'ai sorti les trépieds, j'étais assez des merdes pour 14 ans, les trépieds plus les caisses de munitions, et puis alors là, j'avais descendu ça du wagon, et là il y a encore une équipe de soldats allemands sur camion. Encore, j'ai eu du pot qu'ils soient sur camion, ils pouvaient pas traverser. Il y avait 300 ou 400 mètres de rails de chemin de fer assez élevés. Il y a qu'à voir les trucs de triage, comment c'est fait. Et là, alors j'ai été vraiment pris à partie. C'était moi qui était visé. Alors là, je me suis fait petit comme une limande. Et à deux reprises, ils sont revenus, parce que chaque fois qu'ils sont partis un peu, parce qu'ils avaient un grand secteur à surveiller, je suis monté, j'ai tout sorti, et puis il y avait des champs de topinambours. Vous voyez que c'était la gare de triage, c'était en pleine campagne, la gare de triage immense et des cultures, et c'était des champs de topinambours. Et j'ai porté tout ça, j'ai fait 4 ou 5 voyages. Au quatrième voyage, le wagon a été pris pour cible, c'est-à-dire le wagon et moi pris pour cible. D'ailleurs, j'avais peur qu'il y ait des munitions dans le wagon et que ça explose. Enfin, en une heure, j'ai transporté tout ce qu'il fallait. Et j'ai mis ça dans un champ de topinambour. Au bout, il y avait une espèce de décharge. J'ai jeté ça dans la décharge. Ça m'a pris plus d'une heure pour transporter tout ça. Et je suis rentré à la pension. Et là, j'ai pris 2 paires de tartes. Dès que j'ai passé la porte, j'ai pris 2 paires de tartes, parce que le père Clairbois, il était quand même responsable de moi vis-à-vis de ma mère. Et il m'a dit, d'où tu viens ? Et je lui ai dit, je viens de tel endroit et j'ai fait ça. Et ce vieux monsieur, cet homme, m'a cru immédiatement. Il n'a jamais mis en doute ce que j'ai dit. Il m'a dit, on y va. Alors, il avait une remorque avec laquelle il allait au hall le matin pour nourrir ses 150 élèves. Je pense qu'il ramenait des topinambours, des rutabagas, enfin la merde de l'époque. Et on est parti à pied. Et quand on est arrivé, on s'est fait insulter par le propriétaire du champ, qui m'a dit « Bande d'ordures, vous voulez que je sois fusillé et tout ?» Bon, finalement, j'ai dit « Le directeur, c'est là. » Et dans la décharge, j'avais planqué, il y avait des vieux pneus, j'avais mis tout ça. Bon, on a chargé ça dans la voiture, dans la remorque, hein. Et puis, il y avait des vieux tissus, un pneu, tout ça, on a mis tout ça dessus, hein. Et puis, on a rejoint la route. Et quand on est arrivé sur la route nationale, de la gare de triage à l'école, c'est-à-dire 6 kilomètres plus loin, il n'y avait sur la route que des Allemands, en sens inverse de nous. Et nous, avec notre remorque et les deux mitrailleuses dedans, on a remonté la colonne. Bon, les Allemands en ordre, hein, qui se repliaient en ordre. Hein. Et vraiment, il a suffi qu'un mec... On était au milieu d'eux, on circulait à contresens au milieu d'eux. Et là, il a suffi qu'un gars soulève le pneu ou un vieux chiffon qui était là, puis qu'il voit les deux mitrailleuses qui d'ailleurs brillaient parce qu'elles étaient graissées. Et quand on est arrivé à la pension, bon alors là c'était la joie, tous les gosses venaient voir les mitrailleuses et tout, et le directeur a prévenu les communistes qui occupaient l'île de la Thompson, hein, sur la Marne, à Nogent-sur-Marne, et les cocos sont venus chercher les mitrailleuses. Le directeur a eu la Légion d'honneur. Tous les cocos qui ont ramené les mitrailleuses sans avoir jamais rien foutu ont eu la Légion d'honneur. Et moi, je suis parti gagner mes décorations en Indochine, voilà. Alors justement, sur cette période, vous avez cet acte, cet engagement patriotique. Et André Pertusio, qui est un de vos amis qu'on recevait à ce micro et qui a organisé donc la manifestation du 11 novembre 1940, oui, nous expliquait qu'il était très surpris de voir la réécriture de l'histoire et la réécriture de son engagement comme étant un engagement antifasciste, oui, et antinazi. Et lui nous disait... Mais là, de toute façon, je recrée le mouvement de cadets que je dirigeais qui a été dissous par Madame Buffet, parce que j'avais été accusé de patriotisme, hein, puisqu'on m'a accusé de Raconter cette histoire parce qu'elle est intéressante. Eh bien, j'avais un château pour le Cercle National des Combattants que des dizaines de milliers de Français sont venus dans ce château à Neuvy-sur-Barangeon. Donc, je m'occupais déjà du Cercle National des Combattants et il y avait les cadets de France que j'avais créés. Et chaque année, on faisait 2-3 camps. Là-bas, c'était mixte, garçons et filles. Et on faisait la Noël, on faisait le Nouvel An, parce que la Noël, je voulais que ça soit en famille. On faisait le Nouvel An, on faisait un ou deux camps dans l'année. Et j'ai été accusé par Madame Buffet dans les sbires. Ils étaient 16, hein, ils sont descendus à 16 pour contrôler. Bon, ils cherchaient ce qu'ils n'ont pas trouvé, parce qu'ils cherchaient ce qui n'existait pas. Hein, ils pensaient que je leur faisais gueuler à Hitler, ouais, puisque c'est comme ça qu'ils nous voient. Bon, ça dépendait du Front National, hein, mais je n'ai même jamais fait gueuler Vive Le Pen. Moi, je m'occupe de la patrie. Moi, les valeurs de la République, je ne sais pas ce que c'est. Moi, ce que je connais et ce que je défends sont les valeurs de la France. Alors, j'éduquais ces gosses dans les valeurs de la France. Voilà, c'est tout. Alors, le rapport que j'ai eu, parce qu'un gars de la sous-préfecture l'a piqué sur le bureau du préfet le temps de le photocopier, c'était dit, rassemble les enfants au pied du mât tous les matins, hein, leur fait une leçon de morale, hein, envoie les couleurs et leur fait chanter la Marseillaise. Voilà. C'est comme ça qu'il y a 7-8 ans, j'ai été viré de ce château, j'ai été obligé de fermer le camp de cadets. Les cadets qui, dans le village où ils descendaient, avaient leur propre monnaie. On avait fait une monnaie. Ils faisaient leurs achats en ville avec leur propre monnaie. Et moi, je passais et je remboursais. Ils avaient des cours de cuisine, des cours de patriotisme, bien sûr, des cours de pâtisserie, des cours de secourisme. Enfin, c'était impeccable. Il y avait des soirées dansantes déguisées. On louait des costumes. J'ai toutes les photos. Je vais en faire reparaître, d'ailleurs, certains certaines dans le journal que je ressors, et ils nous ont fermés, alors qu'on était en plein camp. Délit de patriotisme. Délit de patriotisme, exactement. Alors, monsieur Olyndre, vous parliez tout à l'heure des valeurs de la France. C'est quoi pour vous être français ? Eh bien là, je mets dans mon éditorial que je vais partir corriger tout à l'heure parce que je dois le donner cette nuit à l'équipe qui fait le journal. Je mets dans mon journal que être français, c'est d'abord de préférence, numéro un, être né en France, aimer la France et la défendre et ne pas cracher sur son pays. Alors que l'éducation nationale apprend aux gosses à cracher sur ce pays. Et ce qui fait que, en leur racontant, surtout aux gens d'origine maghrébine, qu'en Algérie, l'armée française ne passait son temps qu'à violer leur grand-mère, qu'on a perdu la guerre d'Algérie alors qu'on l'a gagnée militairement 100 fois, hein. Et, bon, alors, et la deuxième chose, on peut devenir français en rentrant en France de façon légale, hein, de façon légale, en demandant sa naturalisation et en ayant des papiers en règle et en respectant les us et coutumes et les lois et les traditions de ce pays. C'est clair. Moi, je me fous pas mal qu'un gars soit d'origine arabe ou d'origine sénégalaise. Je m'en fous. Moi, j'ai combattu dans l'armée coloniale, hein, lorsque je me souviens souvent, et j'en parlais l'autre soir devant une équipe de parachutistes de l'UNP, là, où j'avais été signé mes bouquins. Je disais quand on était, par exemple, une des plus grandes batailles d'Indochine avant Dien Bien Phu, c'est la bataille de la Rivière Noire. Bon, il y avait trois divisions Viet Minh qui essayaient de foncer sur Hanoï, et ben, on a tenu. Hein, le de l'âtre est passé en pipère, hein, et il a largué un message dans un conteneur d'obus mortier qui a été porté au PC. Le message a été répercuté. Je vous demande de tenir 3 jours. Et nous avons tenu 3 jours. Sur la gauche, il y avait des Sénégalais. Sur la droite, il y avait des Algériens. On savait qu'ils tiendraient. Et eux savaient qu'on tiendrait. Voilà. Alors, lorsque j'entends parler, par exemple, cette histoire de boucherie des troupes coloniales, hein, mais tout ça, c'est une saloperie immonde. Parce que ma brigade parachutiste, moi, Béret Rouge, on a perdu en Indochine 3500 hommes. 3500 morts. Il n'y a qu'à voir ce que ça fait comme blessés, amputés et autres. Et lorsque les unités vietnamiennes, laotiennes ou cambodgiennes faisaient la fête du Tet ou les fêtes locales, eh bien, on nous envoyait, nous, les remplacer par leurs gardes et autres pour qu'ils puissent faire la fête. Quand les Nord-Africains fêtaient des fêtes musulmanes, on allait les remplacer pour faire leur fête, et nous, on n'était jamais remplacés pour la Noël et pour le Nouvel An. Mais on s'en foutait. On s'en foutait parce qu'on était paras, on portait le béret rouge, et on était fiers de ça. Prêts à mourir parce qu'on avait le béret rouge sur la tête. Voilà la vérité. Alors quand Monsieur Debouze raconte ses conneries, ce ne sont malheureusement que des conneries. Et justement, je voudrais avoir votre réaction au récent propos d'Emmanuel Macron, qui a qualifié la colonisation de l'Algérie de crime contre l'humanité. Vous doutez bien de ce que je pense de monsieur Macron. Je pense que dans un pays normal, hein, ce type serait passible de la haute cour et condamné pour trahison, pour haute trahison, parce qu'il n'est pas le premier d'ailleurs, mais il est le premier à avoir insisté comme ça à Alger. Parce que depuis Chirac, et peut-être même avant, il y a un accord entre le gouvernement d'Alger, c'est-à-dire M. Bouteflika, qui est un anti-français notoire, parce que si les liaisons entre la France et l'Algérie sont encore ce qu'elles sont après des années d'indépendance, c'est parce que M. Bouteflika se sert de ça pour sa politique intérieure. Alors sa politique intérieure consiste à dire du mal de la France, et ensuite, avec accord des différents gouvernements français depuis deux décennies, il fait voter en France pour son candidat à lui. Alors, ils ont voté Hollande, c'est grâce à eux que Hollande est passé. Et puis, eux, donne ordre aussi aux gens qui sont en France quand ils votent en France, puisque les doubles nationalités votent là-bas et votent ici. Tout ça aussi, ça n'est pas normal. Et la double nationalité ne devrait pas exister, parce qu'on ne peut pas avoir d'allégeance envers deux pays. Voilà. Et moi, j'expliquais aux gosses, et je l'ai écrit encore là, dans ce journal, dans mon éditorial qui paraît, en France, on doit être français avant d'être chrétien, français avant d'être juif, français avant d'être musulman, français avant d'être bouddhiste. Bouddhiste, chrétien, musulman, c'est pas une nationalité, c'est une religion. Et la religion ne doit pas foutre en l'air la défense du pays. La défense du pays doit passer avant tout. Et je dis à ces gosses, si vous avez 20 ans et que vous êtes appelés à partir défendre la France, si c'est dans l'intérêt de la France, vous devez partir. Et donner sa vie pour son pays à 20 ans, ça n'est pas ridicule. Donc, pour vous, on peut être patriote français et musulman ? Oui, on peut être français et patriote. Enfin, moi, quand je vois ce qui se passe en banlieue, hein, tout ça, on le doit à l'éducation nationale. Hein. Lorsque ce Théo-là se fait violer, puisque maintenant, il y a eu des définitions du viol, il s'est fait violer. Tout le monde croit qu'il a été vraiment violé sur le trottoir par les flics. C'est une histoire aussi mystérieuse. Mais avant de savoir quoi que ce soit, tous ces journaleux ont raconté n'importe quoi, jour et nuit. Et même le gouvernement, même le président de la République, hein, après l'affaire de la gamine, là, que Rome, c'est encore pire, il va voir Théo. Hein, mais je me demande comment on va encore trouver des flics demain pour faire ce travail qui est payé de façon misérable, d'ailleurs, hein, qui est payé de façon misérable. Tout ça est... Je ne cesse de dire à mes amis, mais en guerre psychologique, eux, on pourrait les accuser de dire tout ce qu'il ne faut pas dire et de faire tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est au moment où les banlieues s'enflamment qu'on laisse descendre dans la rue des gars qui arrivent cagoulés avec des sacs à dos remplis de pavés, de cocktails Molotov. Mais les lois, la simple loi permet d'arrêter immédiatement un type qui est cagoulé. Lorsque l'extrême droite, qui a été appelée l'extrême droite, moi j'ai jamais été à l'extrême droite, j'étais à droite, je suis toujours un homme de droite, mais quand il y a 10-15 ans, on faisait des manifs, ne serait-ce que pour soutenir le Sud-Vietnam, les flics ne se gênaient pas sur ordre du gouvernement pour nous arrêter, même quand on partait à la manif. Hein. Là, je vous annonce que les gens qui avaient fait la manifestation contre le mariage pour tous, là, étaient rassemblés à la Tour Eiffel, sur l'esplanade qui va jusqu'aux Invalides, derrière. Ils ont eu 300 000 euros de facture par la ville de Paris pour piétinement des pelouses. Alors que chaque matin, pendant Nuit debout, les éboueurs et la mairie de Paris envoyaient 100 ou 200 mecs pour nettoyer la place, ils n'ont jamais eu une facture. Et là, lorsque les gars cassent ou autre, on a arrêté que 10 types. Mais ça suffit largement. Il faut convoquer les familles des 10 types, puis dire, cher monsieur, chère madame, voilà le travail de vos enfants. Hein. Voilà, les photos sont certifiées par notaire, tout est OK. Il y a pour 2 300 000 euros ou 4 millions de dégâts. Alors, vos fils ou votre fils est parmi les 10. Alors, voilà un carnet, voilà un crayon, voilà monsieur un carnet et un crayon. Vous devez l'argent à vous 10. Alors, à vous de trouver les autres. Mais ça s'arrêterait vite fait. Pourquoi ça ne s'arrête pas ? Ça ne s'arrête pas parce que ils sont capables de tout, ces gens qui prétendent nous gouverner. Ils sont capables de tout et ils laissent faire ça parce que si la droite, quelle qu'elle soit, arrive au pouvoir, ils laisseront ces bandes qui se connaissent maintenant et que la police connaît puisqu'elle a les adresses. Tout ça, ça descendra dans la rue et ça cassera et ça ira même chez les gens, bastonner les gens et cartonner dans les gens. Voilà la réalité des faits. Tout est organisé. Vous nous dites qu'on est gouverné par une sorte de Néron. Oui, mais d'ailleurs, ce président de la République, depuis qu'il est là, il fait n'importe quoi. Bon, on devrait exiger au moins que le président de la République soit marié, de façon que sa compagne soit sa compagne officielle dans les palais nationaux. Pour bon, la diplomatie. Lui, il a 3 ou 4 enfants avec 3 ou 4 femmes différentes, parce que tous les jours, on apprend qu'il a fait un rejeton ici et là. Bon, c'est quand même une fonction... à respecter et à faire respecter. Bon, ces gens n'ont jamais rien fait respecter. D'ailleurs, je vous signale que lorsque Sarkozy est arrivé au pouvoir, sa première femme, je ne parle pas de la seconde, qui chantait, qui s'est tenue, d'après moi, correctement, tant qu'elle a été la première dame de France, mais l'autre avant, avait déclaré quand même ce qui est inouï, hein, avait déclaré « Je m'honore de ne pas avoir une goutte de sang français dans les veines. » Et tout ça, ça vivait à l'Élysée avec l'argent du populo, avec les gens qui se sentent, eux, français. Alors, cela dit, sur la deuxième, Carla Bruni, elle a quand même déclaré qu'il fallait que les Français se métissent pour renouveler le vieux sang pourri des Français. Ça a été rapporté par Patrick Bruni. Non, mais c'est du même acabit. C'est du même acabit, mais je l'attaque moins parce que... Elle a fait peut-être des efforts quand même, parce qu'il est bien sûr et certain que si Sarkozy racontait des conneries, hein, c'était les gens qui recevaient le soir. Et les gens qui le recevaient le soir, y compris à la lanterne, et c'est encore pire aujourd'hui avec Hollande, quand même, dans une soirée à la lanterne, M. Hollande a quand même fait part aux zigotos qui étaient là, hein, de secrets d'État, de secrets militaires. Hein? Enfin, c'est un peu comme la putain de la République, là, qui s'appelait ainsi elle-même, hein, que draguait le général Ossarès. Hein? Et ben, le général Ossarès a été lui raconter des histoires à bracadabranque pour la draguer un peu. Tous ces gens sont à mettre avec une camisole de force au cabanon. Alors, monsieur Hollande, je reviens un peu sur votre parcours. Vous êtes allé en Algérie, où vous avez été blessé grièvement. Vous avez ensuite fondé un mouvement de jeunes en Algérie. Est-ce que vous pouvez nous raconter, s'il vous plaît ? Oui, alors, quand je suis rentré d'Indochine, j'ai été affecté à l'école commando de Bayonne, où j'étais instructeur guérilla, anti-guérilla. Bon. Et il se trouve que j'étais un bon instructeur. Bon, j'ai d'ailleurs toujours, sans prétention, j'ai toujours été un bon soldat. Ce qui m'empêchait pas de dégager quand il fallait, de faire la bringue de temps en temps. C'était ça les paras à l'époque. Sérieux, mais quand on est libre, on est libre. Bon. On claquait notre solde, quoi, assez rapidement. C'est là que j'ai pas pris des leçons d'économie quand j'étais para. Donc, j'étais à l'école commando à Bayonne, et puis ils voulaient pas me lâcher. Moi, je voulais partir en Algérie. Et puis, dans le commando que j'entraînais, enfin, il était une dizaine de gradés, j'étais un de ces gradés qui faisait l'entraînement, guérilla, anti-guérilla, et j'étais bon, je me démerdais bien, parce que j'ai été scout dans le temps, j'avais fait 3 séjours en Indochine, bon, c'est pas rien, ça apprend à devenir un soldat. Et puis, il y a un sous-off du commando, à l'entraînement, qui s'est cassé une patte. Bon, alors, j'étais bien placé, hein. Je me suis occupé qu'on emmène le gars à l'infirmerie, et puis avant qu'il arrive à l'infirmerie, moi j'étais dans le bureau du colonel, me présenter, hein, pour le remplacer. C'était le moment ou jamais, quoi. Et ben, il a accepté Fourcade, qui était fanatique des commandos, parce que c'est lui qui les avait créés et mis au point en Indochine, le colonel Fourcade. Bon, il m'a dit, bon, ok. Puis entre-temps, il avait été nommé au 8. Et j'ai rejoint le 8. Donc j'arrive au 8 et je le retrouve. Et là, qu'un jour, j'étais à la buvette, il venait souvent le soir, on était sur un piton, là, juste au-dessus de Tébessa, dans un fond d'eau, une vieille ferme arabe, et il y avait le foyer qui était là. On était en train de boire un café, parce que c'est une région d'Algérie très très froide. Les gens oublient que l'Algérie, il y a des coins qui sont très froids. Et il était venu discuter avec moi, parce que aux parents, on m'appelait Popeye. Bon, j'ai interdit par la suite que ce nom soit employé, parce qu'il y avait des gamins de 14 ans qui m'appelaient Popeye, c'était pas nécessaire. Parce que dans les parents, on avait souvent des surnoms. Hein. Il y avait par exemple un copain qui a été gravement blessé, qui s'appelait Fauché. Bon, son nom dans toute la brigade, puisqu'il y avait une base comme à la Légion, une maison mère, dans toute la brigade, on l'appelait... Fauché, Ladèche, je l'appelais Ladèche. Bon, il y avait Aura, c'était son nom de famille, Aura. Bon, son surnom, c'était La Souris. Bon, et moi, c'était Popeye, parce que quand je suis arrivé au para, j'arrivais des fusiliers marins, j'avais fait un séjour en Indochine déjà à la première division navale d'assaut, et tous les anciens me connaissaient sous le nom de Popeye, mais j'étais pas un comique troupier, j'étais un bon soldat. Et là, donc, j'ai discuté avec Fourcade. Hein, je lui ai dit, moi, j'ai une idée, mon colonel. Hein, c'était donc les unités d'intervention en opération profonde que j'avais en tête avant que ça soit officialisé. Et je lui ai dit, voilà, moi, j'aimerais bien si, avec le commando, je suis au commando Sobanski, on est 10, Sobanski et moi qui le commande, j'aimerais bien si on pouvait habiller, sortir en Fellouse. Hein, je crois qu'il y a des résultats à avoir. Bon, lui, il a convoqué le lieutenant de Peretti qui a été tué au combat quelques mois après. Hein, et il lui a dit, essaye avec Popeye et vois avec Sobanski. Deux, je les connais, je les ai connus en Indochine. C'est pas des rigolos qui disent ils vont le faire. Bon, on a récupéré des vêtements sur des mecs qui avaient été tués et tout ça. On les a fait nettoyer, enfin pas trop quand même. Et puis on est sorti habillé en fell, ce qui fait que Sobanski partait avec 4 types, c'est-à-dire 5, et moi je partais avec 5, et puis sur le terrain, on essayait d'être en relation le plus souvent possible, mais enfin pas trop pour ne pas se faire repérer. Parce qu'on avait une radio chacun. Et moi, j'ai fait prisonnier des fells en armes, à coups de poing dans la gueule, parce que j'étais au milieu d'eux, quoi. Bon, alors quand les mecs me disent, mais Hollande, c'est ça, j'ai pas de prétention, mais j'ai le droit d'ouvrir ma gueule, quoi. Et c'est pour ça que dans les milieux paras, je suis connu et respecté. Et des sorties comme ça, on en a fait des dizaines, et à chaque fois, on a eu des résultats absolument incroyables. Et c'est grâce à nous que Tébessa, la ville de Tébessa, n'a pas été prise par le FLN. Parce qu'on était dans le Djebel Anouel, une montagne qui surplombe Tébessa. Tébessa, c'est l'ancienne ville romaine Théveste, hein. Et là, on s'est regroupé un soir. Les deux commandos de 5, on était 10, et puis on a vu arriver dans le lointain des colonnes et des colonnes et des colonnes, c'est raconté dans un livre d'ailleurs, hein, des colonnes de mecs, et on a vu que c'était les fells, hein. C'était les fêles à la tenue et tout ça. Bon, on s'est retranché dans un baraquement en ruine à côté de la maison forestière de l'Estaya, sur ce piton. Là, la maison forestière avait été dévastée, éventrée, et à côté il y avait la baraque où ils mettaient les chevaux, les mulets et tout ça. Et le toit en paille s'était écroulé, ce qui fait que ça recouvrait les ruines qui étaient dessous. Et nous, on est rentrés là, et les fêles sont arrivés jusque-là, 350, hein, on était 10, ils sont arrivés jusque-là, et nous, on était planqués, les 10, sous le toit de paille. Et on avait dans chaque équipe un pied noir qui parlait arabe. Parce que les autres avaient ordre de fermer leur gueule. Voilà. Le seul qui pouvait l'ouvrir sur ordre, c'était un pied noir parlant arabe pour cinq mecs, pour chaque équipe. Et là, les gars ont reçu ordre. Les pieds noirs nous ont traduit. Faites les feux avant la nuit, dépêchez-vous et tout ça. Donc, les gars sont venus prendre de la paille sur le toit sous lequel nous étions. Le toit qui était écroulé. Bon. Et il s'en est fallu d'une ou deux poignées de paille pour que le mec voit qu'on était là. Oui. Voit qu'on était là. Alors, finalement, les ordres ont été donnés, c'était des unités FEL disciplinées, parce qu'il y en avait qui étaient disciplinées, hein, et la nuit est tombée, Et avec Chaubanchi, on s'est concerté. On connaissait très, très bien la région, heureusement. On a décidé de descendre directement dans la vallée, hein, qui arrivait au pied du col de l'Estaïa. Et au col de l'Estaïa, on avait un copain qui tenait le poste, Marillier. Il s'appelait Marillier. C'était un gars qui dans le civil, là, s'occupait du Tour de France. Et il était lieutenant et ensuite capitaine. On a fait pas mal d'opérations avec lui, et je le vois toujours. Malheureusement, il est devenu aveugle. Et dans la vallée, on a fait, en direction du poste, des signaux avec nos lampes électriques. Enfin, finalement, il a envoyé une équipe de mecs. Il a dit, ça, c'est quand même pas normal. C'est pas les Fels qui appellent. Ils ont envoyé un camion sur la route et on est arrivé au poste, il nous a reconnus, il connaissait bien Chaubanchi, il me connaissait bien. Bah, il a fait mettre du monde dans un autre véhicule, on est parti direction Tibessa. Hein. Il avait téléphoné au colonel commandant le 5e bureau et le bureau opérationnel, ils étaient deux colonels qui nous attendaient. On est arrivé, on a raconté notre petite histoire et les mecs nous ont cru immédiatement. Chaubanchi, c'était un monsieur. Et moi, je dis pas que j'étais un monsieur, mais j'étais un bon soldat. Voilà. J'étais un bon soldat. J'étais réputé pour ça. Hein, d'ailleurs, le gars qui raconte l'histoire dans son livre, il dit, ben, Hollande était pris, même s'il bringuait en permission, il était pris au sérieux en ce qui consistait le métier de soldat. Donc l'opération a été montée immédiatement, et le commando, alors au complet, 80 types, alors que là on était que 10, 80 types avec le lieutenant de Peretti, on est parti, on s'est infiltré, et le but de la manœuvre, c'était d'aller se mettre au milieu de cet immense campement dans la montagne, où il y avait 350 Fellouzes. On a traversé les Fellouzes sans se faire voir, et on s'est installé au milieu, et on avait ordre le matin, à une heure bien précise, c'était l'heure où les régiments arrivaient d'un peu partout, il y a 5 régiments qui étaient rameutés, parce qu'il y avait du monde, hein. Et nous on s'est fait voir. Donc les Fels n'avaient qu'une idée, merde, les Français sont au milieu de nous, donc il fallait absolument qu'ils nous anéantissent. Pendant 3 heures, ça a été un combat acharné, hein, mais tant qu'ils s'occupaient de nous, ils ne s'occupaient pas trop des arrières. Et les bataillons et les régiments qui arrivaient ont encerclé. Et ça a duré encore une partie de la nuit. Et le lendemain matin, il y a eu 2 chasseurs qui ont été abattus, parce qu'ils avaient une mitrailleuse antiaérienne. Il y a un hélicoptère qui a été abattu. Enfin, c'était vraiment du gros morceau. Et on a su par la suite, et Montagnon, le capitaine Montagnon qui écrit ce livre, explique que le but de la manœuvre, c'était une action psychologique du FLN, de prendre une ville française, et cette ville française, c'était Tibessa, sur la frontière tunisienne, au pied des Oreste de Mencha et du Djebel Anwar. Et voilà, c'est ça l'histoire. Donc là, vous êtes blessé? Oui, bah, j'ai pas de peau parce que j'ai pris une balle dans la tête là, parce que j'avance vers dans les fourrés. C'était très très très très très broussailleux, très très tout chaotique, fait. Très chaotique. Hein. Et il y avait un Fel qui était là. Il m'a tiré dessus, j'ai baissé la tête comme ça, j'ai pris la balle ici, là, en céton, là, sur le côté gauche. Du crâne. Sous le choc, j'ai quand même vacillé, parce qu'une balle dans la tête, ça fait pas de bien. J'ai repris mes esprits, je l'ai cloué au sol, je lui ai lâché une rafale, hein, et puis, je l'ai tué net. Il était à moins de 2 mètres de moi, dans un fourré, comme ça, quoi. Je ne sais pas comment il m'a raté. Alors mes mecs m'ont tout de suite transporté, et il y a un hélico qui était dans la région qui est venu pour me charger. Bon, et l'hélico ne pouvait pas se poser, absolument pas, mais il s'est mis en sustentation, et mes gars m'ont mis dans l'hélicoptère. Et puis j'étais là, avec mon arme, avec tout, hein, tout. On était équipés comme des porte-avions. Moi j'avais 5 grenades quadrillées, 5 grenades au phosphore, mon Colt, mon PM, 12 chargeurs et tout. Quand on part à 5 ou 6, comme on faisait tout le temps, il y a intérêt d'avoir ce qu'il faut. Bon. Et là, il y avait 3 mecs dans l'hélicoptère, 3 mecs de la latte. Hein, et il y en a un qui dit à cet enculé en me montrant, là, il dit, on va le ramener, ils vont le mettre à l'hôpital, hein, et puis dans 15 jours, il est dehors et il nous tire dans la gueule. Hein. Alors l'autre dit, mais il n'y a qu'à le balancer, qu'est-ce qu'on en a à branler de ce con. Et au même moment, un coup de peau pour moi, allô, Mimosa de Bretelle Verte, m'entendez-vous? Oui, ici, soleil de Mimosa, c'était le colonel Fourcade qui s'inquiétait de savoir ce qu'était devenu son commando. Alors, il dit, faites attention à mon blessé. Le gars, il dit, mais Soleil, on a qu'un félouze à bord. Mais bande de cons, c'est le chef du commando. Alors, les mecs, ça, c'est blanc, c'est noir par rapport à la gueule des mecs. Les mecs, ils étaient blancs comme ça. J'ai cru qu'ils allaient crever sur place. Ils ont vu, en 5 minutes, en 30 secondes, ils allaient arriver à Philippeville, se poser, puis les mecs étaient là pour attendre un blessé. Ils ont dit, quel blessé? On n'a pas de blessé, parce qu'ils voulaient me balancer, par la portière. Et c'est comme ça que je m'en suis tiré. Et donc, après votre convalescence, vous créez un mouvement de jeunes en Algérie, oui, composé alors, à 80... Justement, oui. Justement, c'est là, à l'hôpital, que j'ai eu le temps de réfléchir. Hein. Alors un jour, j'avais dit ça, et j'en étais un allié qui était un peu pute sur les bords, il avait dit, il a fallu que Colindre aille à l'hôpital pour réfléchir. Alors, bon, et c'est là qu'en définitive, j'ai réfléchi, j'ai pensé que nous allions gagner la guerre militairement, parce qu'on la faisait, et on la faisait bien, hein, et qu'on allait la perdre politiquement, parce que De Gaulle voulait brader. Une autre fois que je viendrai, j'expliquerai pourquoi De Gaulle a bradé. Avec plaisir. Hein? Et donc, je suis rentré à Tébessa, où était le régiment, le 8e. Et puis, j'ai décidé, malheureusement, parce que l'armée, c'était ma vie, mais j'ai décidé de quitter l'armée. Et c'est là que je me suis installé à Tébessa. J'ai monté, pour gagner ma croûte, un restaurant, une troupe scout et une maison de jeunes. J'avais 400 à 450 garçons dans les deux activités. Et le tout s'appelait les jeunesses françaises de Tébessa. Hein. J'avais l'écusson France sur l'épaule. Tout ce beau monde défilait une fois par semaine, c'est-à-dire le jeudi, qui était le jour de congé dans les écoles, et là-bas, et en France métropolitaine. Et je n'ai jamais eu aucun problème avec ces garçons. Qui étaient pour la plupart musulmans. Jamais 98% musulmans, 1% petits juifs, 1% petits chrétiens. C'est pour ça que j'accuse ce gouvernement et les gouvernements qui se sont succédés jusqu'à eux d'être responsables de ce qui se passe dans les banlieues. Et j'accuse l'armée de l'éducation nationale qui est un peu changée, qui est en train de changer, d'être responsable d'avoir fait de ces garçons à qui on a donné la nationalité française, d'en avoir fait des étrangers dans leur propre pays, étrangers qui, en plus, vivant sur le dos de la France, ayant tous les avantages de Français, crachent sur notre pays. Je trouve que là aussi, il faudra passer pas mal de monde en haute cour demain. Et monsieur Olindre, est-ce que vous pensez que cette situation est réversible? Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose? Est-ce que la réconciliation nationale est possible? Je crois que c'est réversible. Si la gauche repasse à ces élections-là, c'est totalement, d'après moi, irréversible. Parce qu'on parle de M. Cohn-Bendit dans le gouvernement Hamon. On parle de tous ces gigotos. Macron. Hein? Macron, mais enfin, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Parce que là, au fait, j'ai appris dans la voiture, dans le taxi en venant, que Fillon devait aller ce matin au salon agricole et qu'il avait annulé et qu'il faisait une conférence à midi. Je ne sais pas du tout ce qu'il a raconté. Mais là, nous sommes... la seule chose qu'ils veulent, c'est de battre la droite. Voilà. Ils sont prêts à tout et à n'importe quoi pour battre la droite. La France, ils n'en ont strictement rien à foutre. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir un peu hein, les attaques continuelles contre Trump depuis qu'il a été élu. Trump est américain. Il a été élu par les Américains. Il paraît qu'alors qu'il a été élu de la même façon que tous les présidents, il est le 45e je crois, que les 44 présidents qui l'ont précédé, de la même façon, avec des trucs à l'américaine. Bon, il paraît qu'il a volé les élections, il paraît ceci, cela. Mais là, j'avais découpé, ça sera dans le journal des cadets la semaine prochaine, un article d'un journaliste mexicain dans un journal mexicain qui explique que M. Trump a raison de vouloir faire un mur à la frontière, dans la mesure où s'il ne fait pas ce mur, tout le Mexique va s'installer aux États-Unis. Et que si ça se passe mal au Mexique, ça n'est pas la faute de M. Trump, parce que le gouvernement américain, depuis des années, donne d'énormes subventions au gouvernement mexicain qui bouffe ce pognon, alors que ce pognon est destiné au peuple. Et ce journaliste mexicain, dans un journal mexicain, dit que M. Trump a raison. D'ailleurs, ce matin, là, il y a 3-4 jours, il y avait un papier grand comme ça, hein, un tiers de la longueur du monde, l'électorat de M. Trump lui reste fidèle. Pourquoi il lui resterait pas fidèle? Pourquoi ces mecs, ils ont voté pour lui sans savoir pourquoi ils votaient? Et là, ce matin et même hier soir, il a fait un discours, le premier en tant que président des États-Unis, et toutes les radios et toutes les télés annoncent que 78% des Américains sont satisfaits. Alors qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut la Russie soviétique, 99,9%. Voilà. Tous ces gens racontent n'importe quoi. Moi, quand Trump dit du mal de la France, même s'il attaque un gouvernement gauchiste, je me sens concerné. Je n'aime pas que qui que ce soit dise du mal de la France. Mais moi, je ne vais pas me mêler des élections aux États-Unis. Le peuple américain est un assez grand peuple, hein, pour savoir ce qu'il veut. Et il élit qui il veut jusqu'à preuve du contraire. Et pourtant, Monsieur Lindre, la France d'Aziza, d'Hanouna, de François Hollande n'est pas aimable. Est-ce qu'on peut ne pas comprendre ces jeunes qui n'aiment pas la France aujourd'hui? Oui, mais c'est ce que j'ai expliqué avant par rapport aux jeunes que j'avais formés en Algérie. Les Arabes ne respectent que les gens respectables, c'est-à-dire les gens qui se font respecter. Bon, moi j'étais le type très gentil, je m'occupais de trouver du boulot à tous les gosses que je pouvais faire embaucher. Et quand ils étaient embauchés par des Européens, chrétiens ou juifs, puisqu'à Tébessa, il y avait une forte communauté juive, je veillais au grain, je ne les lâchais pas chez un patron, j'ai formé, je leur ai permis d'avoir un métier, d'être payé correctement. Moi, j'allais dans le marché de Tébessa, hein, qui était derrière les remparts romains. J'allais tout seul. Au milieu des Chaouias descendus de la montagne. Il faut voir ce que c'est que des tribus Chaouias, hein. C'est des mecs, c'est pas des rigolos, hein. Dès qu'ils s'engueulent, ils se filent des grands coups de trique sur la gueule. J'étais tout seul au milieu d'eux et je savais très très bien que si un jour je serais peut-être tué, mais c'est pas quelqu'un de Tébessa qui me tuerait. Les FLN enverra quelqu'un venu d'ailleurs. Bon, ça ne s'est pas produit. Tant mieux pour moi. Mais il y a aussi une chose, hein. Je parle souvent devant les jeunes. Je me fous pas mal ce qu'ils pensent, hein. Parce que dire que les gens d'Algérie, on pouvait en faire des Français, dans certains milieux de chez nous, ça n'est pas très bien vu. Moi, je m'en fous. Je ne me présente pas aux élections. Hein, ou tout le monde, pas pour ça. Hein. Je pense que les fautifs, ce sont les gens qui en ont fait ce qu'ils sont. Parce qu'on pouvait très bien en faire autre chose que ce qu'on a fait. S'ils avaient défendu les valeurs de la France au lieu de leurs valeurs de la République qui ne veut rien dire, eh bien on n'en serait pas là aujourd'hui. Si les gars, par exemple la famille Théo, là, on a présenté ce type comme une victime et tout, pendant 8 jours, tous les journalistes, matin et soir et même la nuit, racontent n'importe quoi, ne sont pas poursuivis, hein. dis ce qu'il ne faut pas dire, fonce ce qu'il ne faut pas faire pour créer la guerre civile, on s'aperçoit que toute la famille de ce mec hein, vivait au crochet d'associations créées de toutes pièces, subventionnées à coups de centaines de milliers d'euros. À coup de centaines de milliers d'euros qu'ils ont monté une ou deux ou trois associations où ils ont déclaré, sans payer l'URSSAF, 30 ou 40 ou 60 employés. Bon, si toi, tu es français, tu as une petite boîte, et puis tu payes pas 3 euros que tu dois à l'URSSAF, ils te saisissent la boîte. Et ça, là, ils ont filé presque 1 million à cette famille, avouez. Avouez, mais on saura la vérité. Et ça se passe au moment où, à cause du salon d'agriculture, on nous apprend qu'un agriculteur par jour se suicide en travaillant 70 heures par semaine, que le salaire, hein, pas de la femme qui bien souvent ne touche rien à moins de travailler ailleurs, mais du mari qui fait 70 heures par semaine, c'est 400 euros par mois. Et des fois moins, alors que des gens qui n'ont jamais bossé en France, on vient de leur sortir une carte où ils touchent entre 800 et 1100 euros par mois, il suffit qu'ils présentent la carte. Bon, est-ce que c'est du racisme de dire ça? Les gens qui disent que c'est du racisme sont des salauds. C'est des gens qui tuent la France, sont des gens qui mettent la France à l'encan pour leurs idées. Et là, dans l'éditorial que vous pourrez lire, parce que le journal des cadets paraît dans 8 jours, j'explique aux cadets qu'ils ne doivent pas avoir d'ennemis dans le peuple français, qu'ils doivent défendre la patrie. Mais défendre la patrie, ça ne veut pas dire attaquer systématiquement et bêtement le gars qui est en face, même s'il est de gauche. Ça ne peut pas être un ennemi, c'est un adversaire politique. Et si tu joues ce jeu de l'adversaire politique honnêtement, eh bien eux, ils jouent le sens inverse. Parce que, jusqu'à présent, quand la gauche leur emportait 50,1 ou 50,2, c'était le triomphe électoral, la démocratie avait parlé, ils prenaient le pouvoir. Et aujourd'hui, ils sont prêts à faire en sorte que 50% ou même plus des voix ne soient pas comptées dans les élections. Puisque ça fait des années et des années qu'avec le système électoral qu'ils ont mis en place, eh bien, les gens de droite comme ceux que je représente, non, à part, on a eu 30 élus, parce qu'il y avait eu un scrutin, c'était pas pour sauver le Front National, c'était pour sauver le Parti Socialiste que Mitterrand l'avait fait adopter, mais il est bien sûr et certain que même en Israël, il y a la proportionnelle intégrale. Bon, pourquoi? Il paraît que s'il y avait la proportionnelle en France, on ne pourrait plus gérer le pays. Tout ça, ce sont des conneries. Et monsieur Olyndre, que répondez-vous à ces jeunes qui, sur Internet, appellent les jeunes blancs désespérés à s'armer contre ce qu'ils appellent l'invasion mahométane? Oui. Alors, je passe ma vie à dire que tout ça, c'est de la connerie. Parce que qu'est-ce qu'attend le pouvoir? Il attend qu'une bande de zigolos, même trois, même deux, descendent dans la rue. Un avec un lance-pierre, l'autre avec un pistolet de la guerre de 70 sans cartouche, et le troisième avec une batte de baseball, hein, pour appeler à l'aide les banlieues pour défendre les valeurs de la République. Ces gens armeront les banlieues pour défendre les valeurs de la République. Parce qu'un gars comme Valls qui va jusqu'à dire si Marine Le Pen gagne les élections, nous songeons à les annuler, ça veut dire qu'ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Voilà. Monsieur Olyndre, merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps. Oui. Merci, vraiment. On vous réinvitera d'ailleurs. Eh bien, merci aux amis qui nous ont écoutés et qui n'oublient pas que dans 8-10 jours, le premier numéro du journal des cadets va être en vente. Il s'appelle « Hier, aujourd'hui, demain la France ». Eh bien, le message est passé, monsieur Olyndre. Je rappellerai également que votre livre « Réconciliation nationale », sorti dernièrement, est disponible sur le site contreculture.com ou dans les bonnes librairies, par exemple la librairie Facta, 4 rue de Clichy à Paris, où vous retrouverez également la plupart des ouvrages des éditions Contreculture. Roger Olyndre, merci encore. Xavier, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À la semaine prochaine. Chers auditeurs, n'hésitez pas à partager cette émission sur les réseaux sociaux et nous allons maintenant nous quitter en musique sur les notes de Philippe Guepp. Son album Le Retour du Roi est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter Mam, Mam Yvonne. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine. Passer les années, petite fille de janvier, devenue femme ou mère de la vie que tu m'as donnée. Et soudain tu t'en vas, pourquoi je ne veux pas que ce trop grand voyage t'emporte loin de moi. Et je ne comprends pas. Dans ce silence, il n'y a plus aucune chance de me tenir blotti tout contre toi. Oh, mamie, entends-moi. Passer les jours. Et puis cette étrangeté, le soleil qui t'emmène brûlera mon âme à jamais. Je vais devoir apprendre à tenir dans la nuit et sentir et entendre où est l'espoir, il y a la vie. Et je ne comprends pas. Dans ce silence, il n'y a plus aucune chance de tenir ton visage entre mes doigts. Oh, mamie, réponds-moi. Je pas.